Réveil de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Réveil. Cette nuit, j'ai fait un beau songe. Je te voyais auprès de moi, et mon cœur, croyant au mensonge, s'est éveillé tout plein de toi. Te souvient-il de la cabane où nous allions mystérieux, à l'abri du regard profane, former nos projets amoureux? Je vois encore le feuillage où le soleil se tamisait, le banc rendu boiteux par l'âge et qu'un pied de lierre enlaçait. Oh, les beaux projets, ma chérie, que nous faisions là sans savoir, tendres comme une rêverie, audacieux comme l'espoir. Nos frêles châteaux en Espagne, si hauts et si vite écroulés, comme les oiseaux la campagne, peuplaient nos beaux rêves ailés. Dans mon songe trop court, qu'efface la veille sur moi retombant, nous étions à la même place, assis tous deux sur le vieux banc. Ta main, sans regrets et sans crainte, se laissa prendre par ma main, la pressant d'une douce étreinte, 100 fois je la baisai soudain. Tes yeux, humides de tendresse, disaient « Je t'aime, aime-moi bien ». Ton front avide de caresses se pencha rêveur vers le mien, puis bientôt ta lèvre brûlante sur ma lèvre vint se poser, et je te sentis frémissante de tes bras souples m'enlacer. J'entendais contre ma poitrine battre ton cœur gonflé d'amour. Oh, dans mon extase divine, faisait-il nuit? Faisait-il jour? Étais-je au ciel ou sur la terre, sur un monde ou dans l'infini? Inexplicable et doux mystère. Mais le réveil a tout fini. Fin de Réveil, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.